left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Je suis allé chez tout seul, j'avais trop de soucis. En sans faire part tout seul, j'ai des frères en sursis. Tu me donnes des conseils, à la base t'étais même pas là. On n'est pas les consignes, et les malignants. Espace, la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. 15h25 sur Espace, dans quelques instants, la demi-heure, mais tout de suite, mode souvenir 80, avec un titre de Jean-Jacques Goldman, c'est Il suffira d'un signe. Normande des radios. 15h30 sur Espace en Normandie et en Picardie du côté de Dreux, de Saint-André-de-l'Eure ou encore même d'Andé. Dans quelques instants, on écoutera Lady Gaga et Bradley Cooper avec leur titre Shallow ou encore Tal avec ADN. Mais ça, c'est juste après le légendaire The Prince Karma avec Little Bitches sur Espace. This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just later, bitches.